Dimanche, samedi, 21 juin 2014. Et les liqueurs claires et doux dans la salubre vertu fait médecine à l'âme malade pour un rêve heureux et change la mort éternelle dans une nuit des visions glorieuses où si les cieux doivent pleurer pourraient faire leurs larmes toutes merveilles et délices, qu'elle, dans ses viatiques cristallines, avait fermement conservées, si les sommes devraient boire de ces clairs viatiques, l'on dit que les vivants ne seraient pas enviés par les morts. Et les liqueurs claires et doux, dont la salubre vertu fait médecine à l'âme malade pour un rêve heureux, et change la mort éternelle dans une nuit de visions glorieuses, où si les cieux doivent pleurer, pourraient faire leurs larmes toutes merveilles et délices, qu'elle, dans ses viatiques cristallins, avait fermement conservé. Si les hommes devraient voir de ces clairs viatiques, l'on dit que les vivants ne seraient enviés par les morts. En fait là, je vois que pour moi, il y a une jouissance décadente à rendre interminable ces chants à la femme fatale, les poèmes déchelés, fait fraction dans mon psychisme comme les fait la violence symbolique de l'expérience de la mort. Au plan du plaisir, c'est l'idée morbide qui attend derrière chaque vision de volupté. L'on aurait préféré ne pas tenir ces discours. On sent qu'on était prêt à d'autres expériences car on a vécu chaque distension pulsionnelle. Je ferai état de l'événement car il y a dans l'artifice marginal une vocation de vie et soupir. Je mettrai le retour de Shelley à la tête du journal intime comme si le recours au discours n'était qu'un ronron poétique, une végétation confiante qui pulse à chaque organe du plurivers.